le jour où je pourrai ne plus chercher les yeux, ta silhouette familière parmi les filles qui passent, toutes de noir vêtues avec leurs grands cheveux, dans les boucles de dessous les chapeaux dépasse. Et quand le souvenir de ces tendres matins, de ces instants volés de douce félicité, ne réveillera plus en moi tout ce chagrin, le rêve ne deviendra jamais réalité. Quand je ne tournerai plus d'un seul coup la tête, chaque fois que je croise une petite voiture rouge, lorsque j'aurai envie de rire et faire la fête, sans ressentir en moi cette douleur qui bouge. Et quand le souvenir de ces tendres matins, de ces instants volés de douce félicité, ne réveillera plus en moi tout ce chagrin, le rêve ne deviendra jamais réalité. Quand je parviendrai à souhaiter ton bonheur, sans arrière-pensée, même à côté d'un autre, qui en bénéficiant de ta sensuelle chaleur, revivra ces moments qui ont été nôtres. Dès lors que tout cela sera réalité, alors seulement alors je sentirai mon cœur te remettre à frapper peut-être même.